pas nous quitter. Naomi, ni si quelqu'un n'y passe, tu vas y gagner. Et nous, nous sommes dans les sas, qui est mon oeil. Nous sommes dans les sas, qui est mon oeil. Et nous, nous sommes dans les sas, qui est mon oeil. Oui, nous sentons, mais oui, nous sommes tous oui, tu joues, on dit, il est sous, il est mais oui, il est sous. Pas oui, mais c'est quoi, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, and we did so we did in a way says in a way it's perfect it can find it a fight do you want bigger